un homme a dit, tu sais, une pyramide à plusieurs faces. Ouais, ouais. Mais n'a qu'un seul sommet. Ouais, ouais, ouais, ouais. N'a qu'un seul sommet. Un jour un homme a dit, tu sais, une pyramide à plusieurs faces. Ouais, ouais. Mais n'a qu'un seul sommet. Ouais, ouais, ouais, ouais. N'a qu'un seul sommet. Même si cette force est incroyable, qu'elle te plaque au sol, au sol. Même si elle te semble incontournable, et que c'est un vie qu'elle le vole. My Lord, les enfants remplissent leur cartable. On peut dire qu'ils ont du bol, de ne pas voir comme les hommes sont minables. Au nom de qui je rigole. Un jour un homme a dit, tu sais, une pyramide à plusieurs faces. Ouais, ouais, mais n'a qu'un seul sommet. Ouais, ouais, ouais, ouais. N'a qu'un seul sommet. Plusieurs destinations, plusieurs provenances, plusieurs frustrations, plusieurs souffrances. Well, plusieurs rotations, plusieurs croyances, plusieurs illusions, plusieurs manigances. Mais un Dieu pour tous, une terre pour tous, une mer pour tous, un ciel pour tous, de l'air pour tous, de la place pour tous. Je te demande de comprendre que nous sommes tous les mêmes et prions tous le même Dieu. Un jour un homme a dit, tu sais, une pyramide à plusieurs faces. Ouais, ouais, ouais. Mais n'a qu'un seul sommet. Ouais, ouais, ouais, ouais. N'a qu'un seul sommet. Un jour un homme a dit, tu sais, une pyramide à plusieurs faces. Ouais, ouais, ouais. Mais n'a qu'un seul sommet. Ouais, ouais, ouais, ouais. N'a qu'un seul sommet. Certaines tâches sont enlavables, certains lâches irrécupérables. Voilà, qui est innocent, qui est coupable, qui ment, qui raconte des fables. My Lord, construit des maisons avec du sable, des pavillons avec le câble. My Lord, le bonheur pour tous serait plus stable, serait plus raisonnable, plus raisonnable, boy, plus raisonnable. Descendre. La vie c'est nous. Où nous sortons de ce méandre. Oh, l'aide c'est nous. Cessons de s'y méprendre. Big Red c'est nous. C'est nous. Big Red c'est nous. La vie c'est nous. Oh, l'aide c'est nous. Big Red c'est nous. C'est nous. Big Red c'est nous.